bonjour à vous les amis, vous êtes bien sur Fadjet 94.2 pour l'émission Call du Beloved. J'espère que vous allez bien, moi ça va impec. Aujourd'hui nous retrouvons pour une nouvelle émission reggae où je vais vous présenter non pas 8 mais bel et bien 14 artistes fabuleux comme Carter Coffey, Culture, Nahman, Strika, Wanted Crew, comme Little Kev aussi, sans oublier Ousmane et Bob Marley. Allez les amis, je vous propose qu'on commence dès maintenant avec notre premier chanteur qui est Carter Coffey. La chanson s'appelle In Jamaica. Everyone wants to go in Jamaica, to drive the music on the streets in Jamaica, skies and shine over the sea in Jamaica, oh, sweet Jamaica. Shine over the sea in Jamaica, oy, sweet Jamaica. Jamaica is an island in the Caribbean. You no need no winter jacket, we no need no long john. Most of the yellow cobble had a land. So if you walk barefoot, the sun will on your foot pattern. Sometimes it rain, it a fertilize the land. Remember we've got a lot of vegetation. And it put the green in a the flag. Black for the people are mainly African. Everyone wants to go in Jamaica. See dragon music on the streets in Jamaica. Scans and shine over the sea in Jamaica. Oy, sweet Jamaica. Everyone wants to go in Jamaica. See dragon music on the streets in Jamaica. Scans and shine over the sea in Jamaica. Oy, sweet Jamaica. Down to Rome, Ethiopia, then back home. This me must confess, I in a yard me find the best. Get tougher than the rest. That's why I'm driving through west. I did be get this ass. Reggae music, I play through some big speaker box. DJ on the mic, watch the peanut man a rock. Sexy gala, wine up in a dance. This here real dance hall. Down a yard, he roots, man and steam pipe. Woman, give me another light. In a Jamaica, Jamaica me never grew. But me feel like a Jamaica though, I was born offshore. Me love the pattern, me love the style, me love the old flow. You have to take the calf if you want to get a cow. Bobo, you tell me so, in a yard it just so it go. Me love to hear them a chat, me slowly tell us that. You say Malta mash up, I mash up the track. Eternal Father, give them cedars. Et voilà, les amis, c'était In Jamaica. Allez, poursuivons maintenant avec notre seconde chanson qui se nomme Why I Am Rastaman, qui est sortie en 2000 et qui est chantée par Culture. J'espère que vous allez aimer. Situation. It's because of the Babylon and the situation. When I was a boy about 8 years old, he was a certain Rasta man, and he loved all the children, and he treated us like a man. Even the little children that no one cares for, he called up everyone, and he gave us fruit and treated everyone with a special love. Many people see I, many people ask I, why am I a Rasta man? But he taught I the love to give to everyone. Many people see I, many people ask I, why am I a Rasta man? There is no better way to express my love to each and everyone. One Saturday morning, a special thing happened to this man. Here comes Mr. Babylon to take away the Rasta man. So they root up in herb and they eat up in fruit and throw it in a van. And straight after that for 3 long years I never see the Rasta man. They took him to General Penitentiary and them sent him back as a violent man. But God could not change him, his mind was not in prison, was only his body man. Ooh. Many people see I, many people ask I, why am I a Rasta man? No matter what the battle be, I still am trying my hand. Many people see I, many people ask I, why am I a Rasta man? How sweet the name of Georgia sound to every righteous Rasta man. And the same old Rasta man told me pound, shilling and pins would come out of circulation, and we would use that shoot bird man. And I have seen 7 years after that, it was no use, man. Donkey horses and cows keep on treading up and heaping him, man. Hey, everyone I see, I, everyone has time. Why am I a Rasta man? I'm here to prove and to testify about prophecy. Everyone I see, I, everyone I die. Why am I a Rasta man? John the Baptist, Marcus, Gavi and Christ, they was a Rasta man. Everyone I see, I, everyone I die. Why am I a Rasta man? I bow the bow up and Nazarite, and I can't do no otherwise, man. Everyone I see, I, everyone I die. Why am I a Rasta man? Sisters, and I cannot give up at all, man. Brother Brown, Brother Coos, Brother Tom, Brother Stanley, man. I used to hear them beat the drum and sing way in the forest land. Hey, everyone see I, everyone Rasta. Why am I a Rasta man? I love the beat of the Naya Bingi that calls a creation. Everyone see I, why am I a Rasta man? The truth is on a pain is not the same. You put a smile like a pin. Et bien voilà mes Rastas, c'était le groupe Culture. Notre prochain artiste est un chanteur très talentueux qui se nomme Naman. Il est âgé de 27 ans et il va nous chanter Kanaki New Caledonia. Mais avant d'écouter cette chanson, j'aurais une petite question à vous poser. Savez-vous qui est Kanaki? Bah c'est tout simplement, le nom donné à la Nouvelle-Calédonie par les indépendantistes depuis les années 1970, qui dérive du mot polynésien Kanaka. Allez les amis, je vous laisse écouter la chanson et on se dit à tout à l'heure. One from the baddest island. Anywhere we go, the jam a different slang. We feel alone, coming straight from ground. Same blood, same soul. Sing a song of reason. Sing a song in a custom in a Kanaki New Caledonia. Allez, pour continuer cette émission, je vous propose qu'on passe à l'artiste suivant qui se nomme Straika. Il va nous interpréter la chanson Ganja Maria. Chantez les joints, allu, allu, allumez-les. Les chalices, allu, allu, allumez-les. Les papopopopop. Voudrais des chaussures Ganja, des t-shirts, des pantalons et des sacs Ganja, de l'huile curative et des savons de Ganja, des maisons, des voitures qui rouleraient à la Ganja. Faire le tour de la planète avant une navette faite en Ganja. À 20 000 lieues sur le mer dans un sous-marin Ganja. Battre Dark Vador par la force de la Ganja. Rien que le premier couplet déjà est fait en Ganja. Sortez l'esprit, allu, allu, allumez-les. Les chalices, allu, allu, allumez-les. Sortez l'esprit, allu, allu, allumez-les. Les chalices, allu, allu, allumez-les. C'est bien dommage que la douane débarque avec les armes. On devrait plutôt s'asseoir ensemble pour fumer. Trois de main, les esprits sont allus, allumés. Et on fait tourner le calu, calu, calumé. Dans les airs comme Jordan, de Kingston à Panam. On dit que je suis perché comme si j'avais spoke la weed à Vandam. Je n'ai pas d'hallucination, on n'a pas de libération. Donc on redescend la pression. Oh, comme une feuille de marijuana. Les chalices, allu, allu, allumez-les. Sortez l'esprit, allu, allu, allumez-les. Les chalices, allu, allu, allumez-les. J'ouvre des cookies de kaya, des bonnies, des cadeaux, des cupcakes de kaya. Une guitare et un violon fabriqués en bois de kaya. Des balafons, des jégas, des corps à toujours en kaya. On met le feu dans le kaya, ça brûle les vampires. Génération H, c'est génération kaya. Comme Marley disait hier, on est à kaya. Chaque habit est quiero Marie. Marijuana, qui flamme au-dessus Le vrai tout est assez pour détendre l'atmosphère. Une feuille de marijuana. Oh, oh, oh, oh. Sortez l'esprit, allumez-les. Sentez les jalis, allumez-les. Les amis, c'était Straika. Allez, continuons dès à présent avec un groupe peu connu qui se font appeler Wanted Crew. La chanson s'appelle La Maille. Elle est sortie en mars 2017. Je pense que vous allez apprécier. Ah, la rumeur. Cream. Crackers. I make a million pennies a day. L'argent est un moyen, n'est pas une fin en soi. Et c'est vrai qu'on est dans une époque où on a tendance à faire de l'argent et de la célébrité des objectifs existentiels, des buts dans la vie. Et ça, c'est une catastrophe en général. Si le problème, c'est la maille, il a imposé sa loi jusqu'à nous rendre complètement fous. Si l'emblème, c'est la maille, il a remplacé la foi et fout le bordel par. Si le problème, c'est la maille, il a imposé sa loi jusqu'à nous rendre complètement fous. Si l'emblème, c'est la maille. C'est la foi et fou le bordel. Je vois partout des frères se battre pour posséder ce qu'ont leurs voisins. Des sœurs qui se tirent dans les pattes, envoûtés par la patte du gain. La monnaie nous détraque comme une drogue dure, ça craint. Mesure un peu l'impact qu'elle a sur nos gamins. Il leur faut toujours un petit peu car il en faut si t'as faim. Mais man, je ne comprends pas là-dedans l'évolution de l'être humain. Depuis le temps, on devrait être capable de subvenir à nos besoins. Au lieu de ça, nous sommes coupables de ne pas se tendre la main. Ici, le problème, c'est la main. Il a imposé sa loi jusqu'à nous rendre. Sur son passage et nous attire vers le fond. Pénètre dans nos têtes, puis étouffe notre foi. Elle est devenue à ce jour la nouvelle religion. Elle s'empare de nos cerveaux et nous libres penseurs, nous sommes ses servants. Elle détermine ce qu'on vaut. Ce sont les richesses extérieures qui passent à ce n'est pas une carte de crédit ou un portefeuille bien rempli qui me rendra plus épanoui et changera ce que je suis. Un compte en banque bien garni, ce n'est pas le but de ma vie. Et tous vos millions réunis ne me feront changer d'avis, moi mon temps je l'ai choisi. J'ai fait de toi mon ennemi. Tu as détruit trop de pays sans que ça ne pose aucun souci. Le combat commence aujourd'hui, tu n'auras aucun répit. Hey, je te garantis, tu ne mèneras pas au paradis. Si le problème c'est la maille, il a imposé sa loi jusqu'à nous rendre complètement. Si l'emblème c'est la maille, il a remplacé la foi et fout le bordel partout. Si le problème c'est la maille, il a imposé sa loi jusqu'à nous rendre complètement. Si l'emblème Thank you. Allez, maintenant, je vous propose qu'on passe à notre prochain artiste qui se fait appeler Little Cave. La chanson se nomme Triste Réalité. Hey yo, Little Kevin pour te dire que c'est un triste constat. Aujourd'hui c'est un triste constat que je fais de notre planète. Même si on ne se bouge pas, je crois qu'on court tout droit à notre perte. La vie que nous menons, c'est vrai, est un vrai casse-tête. Chaque jour il faut se battre pour que nos rêves restent pas dans notre tête. Big up les activistes et sans oublier ceux de la piste, car c'est quand même grâce à eux que la musique on reste optimiste. La conjoncture d'aujourd'hui fait qu'on devrait être alarmiste, mais la détermination est en premier sur notre liste. Je reste déterminé et toujours le poing levé. Je reste positif pour pouvoir en profiter, car la vie est trop courte pour dire tu as regretté. Moi je te donne des vibes pour que tu restes éveillé. Babylone et ses normes contrôlent l'humanité. Va falloir que le feu qui brûle l'autre soit bien attisé. Il faut rester vigilant et ne pas se laisser berner. Montrer l'écho quand il est temps de ne pas laisser tomber. Je garde la foi et même quand les moments sont mauvais, je reste fort même quand on dit que les portes resteront fermées. C'est un principe et ça me permet de ne pas lâcher. Les bonnes choses en moi j'essaye de les cultiver. Des lyrics conscients et des actes militants. On n'a pas de temps à perdre, il nous faut des participants. Babylone est partout, il faut être vigilant. Quand il te tend un piège, essaie de pas tomber dedans. Il est le magicien, le roi des illusions. Il contrôle nos esprits jusqu'à ce que se brouille notre vision. Quand il te tend la main, alors faire attention. Il fait partie de ceux qui excellent dans la manipulation. Pas la peine de rappeler qu'il y a de la corruption dans l'air. Les hommes qui nous dirigent ne sont là que pour leur carrière. Le pire c'est que dans tout ça, les choses ne datent pas d'hier. Ça donne envie de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. C'est pour ça qu'apprendre à se connaître aujourd'hui est très important, pour se réapproprier les choses quand sera venu le temps. Et ne pas suivre à la lettre les lois du gouvernement. Mais je n'incite personne à commettre les actes dont il ne sera pas maître. Et s'il y a trouble du comportement, on sait que le mal invente constamment. C'est-à-dire que si tu es muni de mauvaises intentions, c'est que tu n'as pas attendu que les lois étaient là pour te mettre en action. Si t'as de bonnes vibrations, laisse tomber ce truc bidon. Car tu sais que le principal c'est de partager des bonnes vibes avec ceux qui t'entourent. Tu sais que l'amour ils en ont besoin, et ne pas perdre son temps avec une bande de crétins qui prétend que sera meilleur notre lendemain. On n'a pas besoin de ces gens-là pour contrôler nos destins. Vu la cisane qui s'aime, je confierai jamais le mien. Le problème c'est que le pouvoir c'est un gâtier ce qu'il tient. Et vu le climat d'aujourd'hui fait pas grand chose pour les terriens. Sans oublier la nature qui elle a payé le prix de nous avoir donné le commencement de la vie. Je ne comprends pas pourquoi, ouais certains n'ont pas compris qu'elle seule pouvait nous garder un minimum en vie. À force de consommer, on a consumé une partie. Que va-t-on laisser à nos enfants quand tout le monde sera parti? La question ne se pose plus, faut réparer les conneries. Ça c'est la conséquence de tous ceux qui en ont fait un profit. Et il y a les animaux qui doivent nous en vouloir aussi. Beaucoup d'espèces se sont éteintes depuis qu'on est en vie. Beaucoup de choses se sont passées car l'argent mène certaines vies. La nature a ses secrets, mais l'homme lui a ses fusils. En conclusion, c'est vrai que c'est une triste réalité. On ne peut pas dire que les choses filent toujours du bon côté. Va falloir un gros travail avant de refermer les plaies. Le plus dur est peut-être passé, à nous de ne pas lâcher. À nous de ne pas lâcher. À nous de ne pas lâcher. À nous de ne pas lâcher. Cher Rasta, c'était Little Cave. Mes très chers amis, nous sommes déjà arrivés à notre avant-dernière chanson qui est sortie en 2011. Elle est chantée par Ousmane et elle s'appelle La Terre. Yaman, c'est Ousmane, écoute ça bien, gars. Spécial parce que les hommes font n'importe quoi, je sais pas. Ok. Pardonner, man, il faut réparer la terre, même si on ne sait pas comment faire. Rouge comme le fer, chaud est devenu notre atmosphère. Nous rapprochons-nous donc de l'enfer. La canicule n'est aucune vengeance de la planète. Face à des pratiques pas nettes, la nature se déconnecte de nous car on l'abîme, la dirige vers les abîmes. Du non-sens, on atteint la cime et la pauvre en est la victime. Les crimes que l'on a commis ne resteront pas impunis. Collective et la connerie. Toi qui as cru que celle sur qui tu marches était ici pour gaulerie. On lui a fait du mal, man, jour et nuit, mal même, on l'a malmenée. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Man, faut arrêter tous ces drames illicaux avant qu'elle soit réellement sur notre dos. On ne veut plus voir la terre plier sous la violence des coups qu'on lui a donnés. Plus jamais voir les hommes tous éparpillés. Faut au pouvoir que donne la maudite. C'est leur faute, se faire pardonner. Les hommes font vraiment n'importe quoi. Ils modifient des plantes et gardent des oies. Une question se pose, savoir pourquoi. La faim bafoue des fois et point ne décroît. Man, mat, mat, la situation nous plaide. Elle n'est vraiment pas très belle, ils les prennent pour une poubelle. Ils se débarrassent de leurs déchets toxiques. Aucun respect pour l'Afrique, solution qui trop irrite. Sans limite, faut qu'on milite. Man, man, eh, faut se bouger. Faut se bouger, yeah, yeah, man, man, yeah, yeah. Faut se bouger, faut se bouger, faut se bouger, yeah. Yes, yes, frère, non, faut pas qu'on les laisse faire sans croiser le fer. Faut qu'on leur mette des barrières. Ce qu'ils nous ont fait hier se doit d'être derrière. N'entends-tu pas les cris des détresse de la terre? On ne veut plus voir la terre plier sous la violence des coups qu'on lui a donné. Plus jamais voir les hommes tous éparpillés. Faut au pouvoir que donne la maudite monnaie. On ne veut plus voir la terre plier sous la violence des coups qu'on veut lui donner. On l'a déjà usé bien trop malmené. Repressez-leur pour nous de se faire pardonner. On ne veut plus voir la terre plier sous la violence des coups qu'on veut lui donner. On l'a déjà usé bien trop malmené. Les amis, c'était le grand chanteur Ousmane. Pour finir cette magnifique émission, je vous propose une petite devinette. Alors attention, c'est parti. Il est né le 6 février 1945 en Jamaïque. Il était auteur, compositeur, interprète et il est décédé le 11 mai 1981 à l'âge de 36 ans. Alors, une petite idée ? Eh oui, je parle bien du chanteur le plus connu qui s'appelle Bob Marley. La chanson est Don't Worry. Power.